Alexandre Dumas, mon dictionnaire de cuisine. Encore un mot au public. Lorsque je pris la décision d'écrire ce volume et d'en faire, pour ainsi dire, dans un moment de délassement, le couronnement d'une œuvre littéraire de 400 ou 500 volumes, je me trouvais, je l'avoue, assez embarrassé, non pas sur le fond, mais sur la forme à donner à mon ouvrage. De quelque manière que je m'y prisse, on attendrait de moi plus que je ne pourrais donner. Si j'en faisais un livre de fantaisie et d'esprit, comme La physiologie du goût de Brillat Savarin, les gens du métier, cuisiniers et cuisinières, ne lui accorderaient aucune attention. Si j'en faisais un livre pratique, comme La cuisinière bourgeoise, les gens du monde diraient: c'était bien la peine d'avoir fait dire à Michelet qu'il était le plus habile constructeur dramatique qui eût jamais existé depuis Shakespeare, et à Ourliac que non seulement il avait l'esprit français, mais encore l'esprit gascon, pour venir nous apprendre dans un livre de 800 pages que le lapin aime à être dépouillé vif, mais que le lièvre préfère attendre. Ce n'était pas mon but. Je voulais être lu par les gens du monde et pratiqué par les gens de l'art. Grimod de la Reynière, au commencement de ce siècle, avait publié avec un certain succès l'Almanach des gourmands. Mais c'était un simple livre de gastronomie et non pas un livre de recettes culinaires. Ce qui me tentait surtout, moi, c'était au contraire, voyageur infatigable, ayant traversé l'Italie et l'Espagne, pays où l'on mange mal, le Caucase et l'Afrique, pays où l'on ne mange pas du tout, d'indiquer tous les moyens de manger mieux dans les pays où l'on mange mal, et de manger tant bien que mal dans les pays où l'on ne mange pas du tout. Bien entendu que pour arriver à ce résultat, il faudrait être chasseur de sa personne. Après une longue délibération avec moi-même, voici ce à quoi je m'arrêtai. Prendre dans les livres classiques de la cuisine tombés dans le domaine public, comme le dictionnaire de l'auteur des mémoires de Madame de Créqui, dans l'art du cuisinier de Beauvilliers, le dernier praticien dans le Père Durand de Nîmes, dans les grands dispensaires du temps de Louis XIV et de Louis XV, toutes les recettes culinaires qui ont acquis le droit de citer sur les meilleures tables. Emprunter à Carême, cet apôtre des gastronomes, ce que messieurs Garnier, ses éditeurs, me permettront de lui prendre. Revoir les écrits, si spirituels, du marquis de Cussy, et m'approprier ses meilleures inventions. Relire Elzéar Blas, et, joignant mes instincts de chasseur aux siens, tâcher d'inventer quelque chose de nouveau sur la cuisson des cailles et des ortolans. Ajoutez à cela des plats inconnus, recueillis dans tous les pays du monde, les anecdotes les plus inédites et les plus spirituelles sur la cuisine des peuples et sur les peuples eux-mêmes, faire la physiologie de tous les animaux et de toutes les plantes comestibles qui en vaudraient la peine. Ainsi, mon livre, par la science et par l'esprit qu'il contiendra, n'effraiera pas trop les praticiens et méritera peut-être la lecture des hommes sérieux et même des femmes légères, dont les doigts ne craindront pas de se fatiguer en soulevant les pages, dont quelques-unes tiendront de Monsieur de Maistre et d'autres de Sterne. Ceci posé, je commence tout naturellement par la lettre A. Agneau. Grosse pièce d'agneau aux tomates farcies. Prenez la moitié d'un agneau, la partie inférieure, retroussez-la et enveloppez-la de papier beurré. Faites rôtir à point. Débrochez, dressez et glacez. Mettez des papillotes aux manches du gigot. Garnissez votre moitié d'agneau de tomates farcies et servez à part une sauce à la Uxelles. Ce qui a valu à Monsieur le maréchal d'Uxelles l'honneur de donner son nom à une sauce, ce n'est pas d'avoir perdu la bataille de Rosbach, comme Monsieur de Soubise, ou d'avoir gagné la bataille de Fontenoy, comme monsieur de Richelieu. C'est tout simplement une anecdote racontée, je crois, par Saint-Simon. Mademoiselle Choin, maîtresse du grand dauphin, avait un petit chien qu'elle adorait et qui estimait tout particulièrement les têtes de lapin rôties. Tous les jours, Mademoiselle Choin recevait de monsieur le maréchal d'Uxelles une visite, à la fin de laquelle il tirait de sa poche un mouchoir de batiste d'une blancheur éclatante, dans laquelle étaient renfermées deux têtes de lapin rôti. La bonne Mademoiselle Choin était on ne peut plus sensible à cette marque d'attention, et elle n'avait pas peu servi à remettre monsieur le maréchal d'Uxelles en faveur, après la reddition de la ville de Mayence. Un beau jour, le grand dauphin mourut. Le lendemain, le surlendemain et les jours suivants, elle attendit vainement le maréchal. Elle ne revit jamais ni le marquis d'Uxelles, ni ses mouchoirs de batiste, ni ses têtes de lapin. Ce n'était point aux chiens de Mademoiselle Choin qui les apportait, mais au grand dauphin.